Et ce Dieu qui l'inspire, elle achève son lire. Lothario, Wilhelm, fais-je donc en tes lires? Je devine, je vois, je sens, je ne puis dire. Où t'en as-tu conduit et quel est ce pays? L'Italie! Chambre déserte. Oh, ma fille!